Ici Raymond Poirier. Ce lundi, à l'émission, avant 9h, tout est possible. On jette un coup d'œil au colloque du réseau Les Arts et la Ville. On rencontre les Québécois qui sont rendus en bande de Gaza. Jean-François Gosselin nous amène en terrain économique. Benoît Arcand nous parle culture et le retour de la chronique BD de Stéphane Gravel. C'est un rendez-vous demain dès 7h à l'antenne de CKRL. La radio culturelle à Québec. La radio culturelle à Québec. Bienvenue à Web Musique, c'est Simon Roy qui vous parle. Encore une fois, je vous ai trouvé plein de bonne musique gratuite. Pour ça, ben vous vous rendez sur le site pour avoir un peu plus d'informations, puis télécharger les pièces. Donc, l'adresse du site est au www.webmusique.org. Vous avez les liens vers les artistes. Puis aussi, c'est aussi possible de suivre l'émission sur Twitter. Donc, il y a un lien sur la page. Et c'est possible aussi de télécharger l'émission au complet en balado-diffusion. Donc, vous n'avez aucune raison de manquer l'émission. Si vous manquez ça, ben vous pouvez télécharger la balado-diffusion. Cette semaine, je vais débuter l'émission avec des pièces un peu à tendance hip-hop. On va débuter avec un artiste qui est sur l'étiquette Test Tube, une étiquette qui vient du Portugal. L'artiste est également du Portugal, donc qui s'appelle Motown Junkie. Je vous fais entendre sa pièce My Name is Sampler, Ed the Sampler. Ensuite de ça, ça va être la pièce Some of My Stuff, donc deux pièces qui se retrouvent sur l'album Plagiarism Perversions. Ensuite de ça, ben, sur l'étiquette française de la ville de Orléans plus précisément, l'étiquette s'appelle Fresh Pulp Records. Vous allez entendre l'artiste Doc qui vient de la ville de Moulins en Auvergne, c'est en France. Donc deux pièces qui se retrouvent sur l'album Logical Fallacy. La première s'appelle CF Underworld. Ensuite de ça, c'est Making Our Way. Donc on débute tout de suite avec Motown Junkie.

Vous êtes toujours à l'émission Web Musique, Simon Roy en votre compagnie. C'était la pièce Making Our Way, précédée par la toune CF Underworld, deux pièces qui se retrouvent sur l'album Logical Fallacy. L'artiste s'appelle Doc, c'est un artiste qui est originaire de la ville de Moulins en Auvergne. Avant ça, c'était Motown Junkie, deux pièces. On avait entendu Some of My Stuff, puis on avait débuté l'émission avec My Name is Sampler, Ed Sampler. Donc, ça se retrouve sur l'album Plagiarism Perversions, donc sur l'étiquette Testube, une étiquette du Portugal. Pour poursuivre l'émission, je vous propose un artiste sur l'étiquette Dusted Wax Kingdom. Cette étiquette vient de Varna en Bulgarie. Je vous fais entendre un artiste qui vient de Lake George dans l'état de New York. Il s'appelle Mitoshi, non, avec un nom japonais, mais qui n'est pas japonais. Je vous fais entendre sa pièce Kando, puis The Gift, deux pièces qui se retrouvent sur son album The Gift EP. Ensuite de ça, sur l'étiquette Phonotactics, une étiquette qui nous vient du Portugal, je vous fais entendre un artiste qui vient de Barcelone en Espagne qui s'appelle Check One. vous fais entendre deux pièces, excusez-moi, une pièce qui s'appelle By Sampler, puis ensuite de ça, l'artiste s'appelle Dizzy Beats, je vous fais entendre sa pièce Man in Black, donc ces deux pièces-là qui se retrouvent sur la compilation Space Stuff qui est sur Phonotactics. Donc on entend tout de suite Mitoshi. We'll be right back. Comparer ça un peu, quelqu'un qui cherche son potentiel à quelqu'un qui a le ciel devant lui, mais qui n'a aucune constellation dedans, qui il reste encore à trouver ses constellations finalement. Fait que c'est pour ça qu'il veut mettre des pièges à ours dans son ciel. Je cherche encore mon vrai potentiel. J'ai mis des pièges à ours dans mon ciel. Trois gars sur le sofa présentent leur dernier album, Cerf-volant, à Sentier Secret, mardi 26 mai, Edsa. Une entrée parmi les desserts, une idée qu'on a abandonne. Vous écoutez CKRL 89, la radio culturelle à Québec. Vous êtes toujours à Web Musique, donc avant la pause, on entendait Dizzy Beats, la pièce Men in Black. Avant ça, c'était l'artiste Check One, sa pièce By Sampler. Donc, deux pièces qui se retrouvent sur l'album Space Stuff, c'est sur l'étiquette Phonotactics au Portugal. Avant ça, il y avait deux pièces, on a entendu The Gift et Can Do. Deux albums qui se retrouvent sur l'album The Gift EP par Mitoshi. C'était sur l'étiquette Dusted Wax Kingdom, une étiquette qui nous vient de la Bulgarie. Pour poursuivre l'émission, je vous propose un artiste sur l'étiquette Clinical Archives, une étiquette vraiment intéressante qui ont vraiment des trucs tordus. Donc, je vous présente du Portugal Orchestra Popular de Paio Pires. Je vous fais entendre deux pièces qui sont sur leur album éponyme. Donc, la première s'appelle Kyoto Melody, puis c'est suivi par Take Me Out Tonight, I Want to See the Stars. Ensuite de ça, on va entendre Avid. Je vais vous faire entendre la pièce The Best Part of Waking Up. Puis ensuite de ça, je vous fais entendre la pièce Recreation. Thank you. We'll be right back. sur l'étiquette Bumfoot, c'était l'artiste Avid, un artiste qui vient de Houston. Avid, pas le système d'édition vidéo, mais ça veut plutôt dire Advances in Obsolete Technology. Donc, c'était la pièce The Best Part of Waking Up. Excusez-moi, avant ça, c'était la pièce Recreation. Donc, sur l'excellente étiquette japonaise Bumfoot. On poursuit avec Vinyl Boy, la pièce Spanjo. Puis ensuite de ça, on va entendre le groupe Antipolvo Paradiscos, la pièce Joan Manuel. Wow. What the hell are you doing with a car on the goddamn moon? Because if they flew over the bay, they'd be bagels. Do you get it? Bagels. My CPU is a neural net processor, a learning computer. It just cost me $6,000. $6,000. Everybody would like cash out there anyway. What is now? Money, money, money, money, money. I don't have any money. Money. I don't have any. Escape from the planet of the apes. An escape from the planet of the apes. Je dois malheureusement fader out la pièce parce que c'est déjà la fin de Web Music. Donc, c'était Simon Roy qui était en votre compagnie. On vient tout juste d'entendre Antipolvo, la pièce Paradiscos. Excusez-moi, l'artiste s'appelle Antipolvo Paradiscos et la pièce s'appelle Joan Manuel. C'est sur l'étiquette Warcors Netlabel, une étiquette qui nous vient de l'Espagne. Puis avant ça, une pièce assez étrange de Vinyl Boy, la pièce Spanjo. Donc, c'est tout pour Web Music. Je vous invite à revenir la semaine prochaine à compter de 21h. D'ici là, ben, vous pouvez consulter l'information qu'il y a sur le site. Ça se retrouve au www.webmusic.org. Je vous invite à venir faire un petit tour. Donc, ça va être l'émission Jazzimus actuelle animée par Jason Vlasak qui va suivre après la pause. Je vous souhaite une bonne semaine sur les ondes de CKRL. Bonsoir. Les nuits en musique vous sont présentées par votre directeur musical, Daniel Mazanier. Écoutez CKRL tous les jours de la semaine durant les petites heures du matin et laissez-vous guider par l'humeur musicale de Daniel Marcoux. Les lundis urbains, les mardis 100% franco, les mercredis folk et worldly, les jeudis britpop et post-rock, les vendredis flashback et les samedis du métal avec DJ Benz. CKRL, la radio des découvertes, 24 heures sur 24, 7 jours, 7 soirs, même le dimanche. Vous écoutez le 89,1, la radio culturelle à Québec.